Souvenez-vous, ô Télémaque, qu'il y a deux choses pernicieuses dans le gouvernement des peuples, auxquelles on n'apporte presque jamais aucun remède. La première est une autorité injuste et trop violente dans les rois. La seconde est le luxe, qui corrompt les mœurs. Quand les rois s'accoutument à ne connaître plus d'autres lois que leurs volontés absolues, et qu'ils ne mettent plus de frein à leurs passions, ils peuvent tout. Mais, à force de tout pouvoir, ils sapent les fondements de leur puissance. Ils n'ont plus de règles certaines, ni de maximes de gouvernement. Chacun, à l'envie, les flatte. Ils n'ont plus de peuple. Il ne leur reste que des esclaves, dont le nombre diminue chaque jour. Qui leur dira la vérité? Qui donnera des bornes à ce torrent? Tout cède. Les sages s'enfuient, se cachent et gémissent. Il n'y a qu'une révolution soudaine et violente qui puisse ramener dans son cours naturel cette puissance débordée. Souvent même, le coup qui pourrait la modérer, là-bas, sans ressources. Rien ne menace tant d'une chute funeste qu'une autorité qu'on pousse trop loin. Elle est semblable à un arc trop tendu qui seront enfin tout à coup, si on le relâche. Mais qui est-ce qui osera le relâcher? L'autre mal, presque incurable, est le luxe. Comme la trop grande autorité empoisonne les rois, le luxe empoisonne toute une nation. On dit que ce luxe sert à nourrir les pauvres aux dépens des riches. Comme si les pauvres ne pouvaient pas gagner leur vie plus utilement en multipliant les fruits de la terre sans amollir les riches par des raffinements de volupté. Toute une nation s'accoutume à regarder, comme les nécessités de la vie, les choses les plus superflues. Ce sont tous les jours de nouvelles nécessités qu'on invente, et on ne peut plus se passer des choses qu'on ne connaissait point 30 ans auparavant. Les proches parents du roi veulent imiter sa magnificence. Les grands, celle des parents du roi. Les gens médiocres veulent égaler les grands. Toute une passion se ruine, toutes les conditions se confondent. La passion d'acquérir du bien pour soutenir une vaine dépense corrompt les âmes les plus pures. Il n'est plus question que d'être riche. La pauvreté est une infamie. Mais qui remédiera à ces maux? Il faut changer le goût et les habitudes de toute une nation. Il faut lui donner de nouvelles lois. Qui le pourra entreprendre, si ce n'est un roi philosophe? Ayant terminé son apprentissage, Télémaque retourne à Ithaque, où il retrouve son père Ulysse. Il épousera Antiope, fille d'Idoménée, qui l'a sauvée au cours d'une chasse.